Bienvenue pour ce premier épisode de Summer Wrestles. Aujourd'hui, on va vous présenter le nouveau podcast de l'équipe. Alors, Gus n'est pas là, Kevin n'est pas là, on a viré la patron, mais tout le régiment Wrestles Radio est présent. Je vous présente MP qui est à l'origine de ce projet. Et oui, je suis à l'origine de ce projet avec Vincent et ça me fait plaisir d'être là avec quelques collaborateurs ce soir pour vous faire partager nos impressions sur le dernier show de la TNA de la WWE. Et on va présenter nos invités ce soir. Avec Brousty aussi, notre monteur préféré. Oui, bienvenue à tout le monde. Bonjour, l'été sera chaud, c'est pas encore, mais on va essayer de vous rendre la soirée assez chaude. Il y a belle promesse. Il y a aussi l'Alsacien Sébastien. Exactement, je suis là également. Alors normalement, Verpa devait être là, mais apparemment il y a quelques petits problèmes pour se connecter. Donc on verra s'il vient en cours d'émission. Donc on va vous faire un petit peu vite fait le programme de ce soir. On va parler tout d'abord de TNA avec les résultats du dernier pay-per-view Destination X. On va parler aussi de l'avenir de la X-Division, puisque le pay-per-view était centré sur la Exhibition. On va parler un petit peu de l'affaire Kenny King. En même temps, on va parler aussi un peu de l'AROH qui essaie de reconstruire sa division par équipe. On va parler un tout petit peu, si on a le temps, des problèmes qu'a en ce moment la TNA avec la télévision américaine. On va parler aussi de la WWE avec le pay-per-view Money in the Bank qui a lieu ce dimanche. Et on va parler aussi des possibles et des arrivées déjà concrétisées à la FCW, le centre de développement de la WWE. Alors, je vais demander à Brousty de lancer le jingle, un jingle très spécial, parce que cette semaine, c'est les 50 ans d'existence des Rolling Stones, ça tombe bien, c'est du Rolling Stone. Après ce petit jingle des Rolling Stones, il y a Verpa qui nous a rejoint d'ailleurs pendant ce jingle, si le Verpa. Salut. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer vite fait, MP, comme c'est toi qui es à l'origine de ce podcast, ce qu'on va faire un petit peu dans Summer Wrestles? Summer Wrestles, c'est un peu le programme d'été de Wrestle Radio. Programme qui sera peut-être un peu moins chargé, une émission un peu plus légère, avec un peu peut-être un peu moins d'invités, un peu moins de collaborateurs avec nous, mais qui va tout de même être très intéressante. On va vous parler des news les plus récentes, les shows les plus récents, les shows à venir. Tout ça est au programme de Summer Wrestle pendant cet été. On espère quand même faire quelques numéros pendant cet été. Peut-être pas à chaque semaine, mais il y a probablement un numéro qui va venir la semaine prochaine sur Money in the Bank. Donc, va falloir rester un peu connecté sur nos pages Facebook, Twitter, sur le forum wrestle.fr pour avoir toutes les news concernant les prochaines sorties d'émissions. Voilà, c'est ça qui résume Summer Wrestle. Et puis s'il y a certains sujets que vous voulez qu'on en parle dans le podcast, vous nous faites parvenir via les réseaux sociaux. Sinon, c'est que c'était si on n'a pas le temps de le traiter pendant le podcast, on va le traiter ou on l'a traité sur le forum wrestle.fr. Donc, on va parler de la TNA qui a présenté peut-être l'un des meilleurs pay-per-view depuis bon nombre d'années, Destination X. Donc, on l'a dit, c'est un pay-per-view autour de la X-Division. X-Division, c'est un peu l'équivalent de la division pour moyen à la WWE. Donc le premier match. Il y en a une à la WWE match de pour moyen. Bah, la division non, pour moyen. À l'époque, c'était plutôt la division Cruiserweight, quoi. Voilà. Non, mais il y a eu aussi la Light Heavyweight. Un petit peu avant, ah oui, les voilà. Années 2000-2001. Mais poids moyen, là, ça veut plus rien dire à WWE actuellement. Hein. Elle est en sommeil, la division. Bah, poids moyen, voilà, il y a un projet en fin d'année. Mais, il y a un projet pour le network, mais comme le network n'est pas prêt d'arriver, Enfin bref, on va parler de WWE après. Donc le premier match, alors pour expliquer un petit peu vite fait, ils ont mis en place un tournoi comme l'année dernière pour introduire de nouveaux catcheurs. Mais là, au lieu que ce soit pour un contrat à la TNA, c'était pour la ceinture de X-Division, puisque Osiris a laissé vacante sa ceinture pour pouvoir avoir une chance au titre poids lourd de Bobby Roode en main event. Donc ce tournoi avait. On a eu 4 matchs, 2 matchs au Impact la semaine de Destination X et 2 matchs la semaine précédente. Les qualifiés étaient Mason Andrews, Rubix, Dakota Tarso et Lars Only. Et ce match était remporté par Mason Andrews en 1 minute Attends, 22. hop là, là. Là, je vais être obligé de te corriger parce que c'est pas vraiment des qualifiés vu que c'est en fait ce sont ceux qui ont perdu les matchs de qualification avant Impact. Dans Ah ce oui, c'est sens, vrai. comme en tennis, on appelle ça des lucky losers, quoi. C'est ceux qui perdent en qualification mais qui sont repêchés, quoi. Voilà. C'est la consolante. Ouais, c'est Épiphère. exactement ça. Oui, c'était le rattrapage, un peu comme le bac, quoi. Oui, voilà. Donc en fait, là, ces quatre-là, ils ont perdu. C'était pas ce que c'était qualifié. Oui, Et les c'est qualifiés pareil. sont en réalité Sonjay Dutt, Kenny King, Si et bye. bah. Flip Oui, mais Casanova, après, non? après, oui, voilà. Ah, pardon, oui, je cherchais notre Flip Casanova qui est Flip Kendrick. Et puis après, bon, il y a ceux qui étaient déjà là, Zima Ayon, Kid Cash et Douglas Williams. Oui, donc c'était un match à 4 pour déterminer le dernier qualifié, puisque c'était les 4 non qualifiés. Et j'ai envie de dire que qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, un bon match d'ouverture, moi sans surprise, le vainqueur, je l'avais prévu, personnellement. Donc, on va dire que parmi ceux qui ont lutté, c'est un peu celui qui a le plus de potentiel. Même si Rubik's, alias Jigsaw à la Chikara, lui aussi, il a pas mal de potentiel. D'ailleurs, ce sont les deux qui ont fait le plus de spectacles, Andrews et Rubik's. Bon, après, Darso, bon, c'est sûr qu'il est très limité. Et puis, Lars Sonley, bon, il est pas non plus hyper coté. Donc, voilà, à partir de là, c'est logique. D'ailleurs, Lars Sonley, qui est connu sous le nom de Johnny Yuma, la PWG, et qui moi j'ai trouvé quand même un bon catcheur qui peut peut-être revenir à TNA un jour, mais peut-être qu'il manque un peu quand même de développement encore un peu pour lui. Mais sinon, comme pour aussi, je pense que ça a été quand même un bon match. D'ailleurs, en parlant de Rubix, qui est Jaxa, à Chikara, il semblerait que la TNA serait intéressée à ses services, donc c'est à voir. Peut-être dans les prochains packs, il apparaîtra dans des matchs de la division X, donc ça peut être pas mal à voir. Donc c'est quand même. Ça a bien démarré la soirée pour moi en tout cas. Au niveau du concept, moi j'ai trouvé que c'était pas mal de faire venir 4 gars qui venaient de la scène indépendante, mais pas for forcément des toutes petites fédérations, parce qu'on avait quand même un représentant de la PWG, un autre de la Chikara. Et surtout, je trouvais que c'était un bon concept, parce que comme ça, la TNA se renforce en tant que la meilleure des promotions, juste au-dessus le niveau indépendant, parce que la TNA est quand même entre le monde de la WWE et le monde indépendant, qui est quand même bien représenté par la ROH. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne transition entre les deux. Par contre, si signature de Jigsaw il y a, ça va poser un problème au niveau de la Chikara et de la Wifi, la WIF plutôt, la Wrestling is Fun, donc l'école de la Chikara, puisque Rubix est un des entraîneurs avec Quackenbush, donc notamment il a participé à la montée notamment du groupe des Bathory, ou par exemple plus récemment de la Luchador intergalactique, donc Saturine notamment, et c'est pas. Pour l'instant, le développement de l'école de catch de la Chikara était plutôt une réussite, donc la perte de Jigsaw Rubix pourrait être très préjudiciable. Ouais, mais moi j'y crois pas, non, c'est vrai. Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu disais à Verpas, c'est vrai que c'est assez marrant ce truc parce que la TNA, à partir de. Elle a toujours été tournée plutôt vers les anciens de la WWE, il n'y a qu'à voir encore le recrutement des 2 dernières années. Et puis là d'un coup, je sais pas si c'est par rapport à la WWE qui cherche de plus vers l'indie, mais. Ouais, un peu comme tu dis, c'est peut-être l'effet Dave Lagana qui, c'est vrai, s'intéresse énormément au circuit indépendant depuis toujours. Et donc, forcément, c'est possible aussi qu'il facilite un petit peu tous ces passages-là, comme Scorpio Sky, alias Mason Andrews. C'est peut-être aussi un effet au scénario, comme ils ont vu que bon, bien CM Punk, Daniel Bryan pour la WWE, se rendent peut-être compte que c'est bien aussi de taper de temps en temps sur la scène indépendante, pas tout le temps taper des gros noms qui sont pas forcément qui n'ont plus 20 ans, quoi. Je pense que le phénomène va même au-delà de la TNA, oui, comme on le disait, avec la WWE, depuis qu'il y a eu quelques petites touches de Triple H avec Bryan Danielson, Daniel Bryan. Après, ça a enchaîné avec Antonio Cesaro. Maintenant, on récupère Paige. On a même entendu Sarah Del Rey, Pac. On voit que tous les meilleurs de la scène indépendante maintenant commencent à être courtisés par la WWE ou la TNA. Alors, est-ce que c'est pas un changement de direction des politiques de recrutement de la TNA et de la WWE? Donc, pour la WWE, on a le changement Vince McMahon, HHH. Mais par contre, pour la TNA, est-ce qu'il y a eu un changement backstage d'importance dans les politiques de recrutement? Ça, je sais pas, je connais pas assez bien la TNA Il y a quelques mois, il y avait une pour pouvoir y structure répondre. qui était virée et ils ont remplacé Lagana à la tête de l'équipe créative. Après, sinon, au niveau des dirigeants, ça n'a pas trop changé, mais je pense qu'on avait publié avec Bruce Lee une interview de AJ Styles sur Catch où il parlait qu'il avait eu quelques discussions avec Hulk Hogan et qu'il avait quelques problèmes. Et il avait dit qu'il avait que Hogan ne connaissait pas très bien le roster. Il avait sûrement expliqué qu'il fallait pas forcément ramener des Scotto ou des Jeff Hardy pour avoir des matchs de qualité ou bien des gros chiffres de ratings, mais aussi prendre des mecs type exhibition, et ce qui a fait la gloire de la TNA. Je pense que c'est aussi ça. Des discussions en interne qui ont fait aussi changer le point de vue de Hogan, même s'il a encore quelques petits défauts puisqu'il a ramené sa fille. Mais je pense qu'ils se rendent compte quand même que la scène indépendante a quand même certains catcheurs importants qui peuvent ramener pas mal de sous-sous dans la caisse. On Après, l'a moi, pas encore entendu, Sébastien. ce qui me plaît beaucoup avec ce concept, c'est justement le côté ouvert que la TNA a. Ça contraste beaucoup avec la WWE, où c'est quelque chose de très fermé, où tu as l'impression que c'est juste, il existe juste la WWE et qu'il n'y a pas de catch à côté. Et ce qui est bien avec la TNA, c'est que cette ouverture permet notamment de voir des catcheurs d'autres fédérations dans un show TNA. Et ça, c'est très intéressant de pouvoir voir qu'il y a une vie à côté de cette fédération. En même temps, c'est une fédération plus indépendante que mainstream, donc j'ai envie de dire, il faut qu'il y ait une connexion avec les autres fédérations. Puis il me semble qu'il y a quelques années, ils étaient en partenariat avec la ROH, où il y avait eu des Roderick Strong et autres qui s'étaient venus faire quelques matchs. Même au début, il y avait Lucky et Justice qui travaillaient à la ROH et ils sont venus faire quelques matchs à la TNA, donc ils sont forcés d'avoir une alliance avec certaines fédérations, ou bien de bien s'entendre avec le milieu indépendant, parce que la WWE peut se permettre de ne pas entretenir pardon, des relations avec les autres, puisque elle a juste à démarcher les catcheurs qu'elle veut, et puis les mettre dans son centre de développement, les adapter à son style, et puis après les mettre dans son roster principal. De toute façon, tous les catcheurs au poste sont attirés par la WWE, alors que la TNA est plus obligée de mettre en avant son projet. Juste pour mettre un petit point négatif, c'est que c'est dommage qu'on était obligé d'avoir cette intervention de catcheur extérieur, parce que en fait ça masquait surtout le fait qu'il n'y avait plus de catcheur dans l'X-Division. C'est aussi pour ça également qu'il y a eu ce recrutement justement de catcheur extérieur. C'est vrai qu'ils ont perdu pas mal de catcheurs depuis les années. Il y a Anthony Nice qui est parti, il y a Jesse Swanson qui a été blessé, Mark Haskins qui s'est blessé et qui apparemment maintenant est plus mis de côté, il catche plus sur la scène indépendante britannique qu'à la TNA. Il y a Sabine qui s'est blessé, il y a Shelley qui est parti. Donc c'est vrai que comme pour la vision par équipe, l'exhibition était assez amoindrie, donc forcément il a fallu faire comme l'année dernière, amener quelques gens de la scène indépendant pour essayer de revitaliser tout ça. Est-ce que vous avez encore quelques petits mots à dire sur ce match? Ce sera tout. Bon, moi j'aurais juste un petit truc à rajouter, comme tu as dit aussi, Dakota Darso qui était pas très bon, mais j'ai envie de dire pourquoi ils l'ont choisi. Surtout qu'il a raté l'année dernière. Oh, mais il est bien coté, la preuve, vu qu'il était déjà là l'année dernière. Non mais dans la logique, s'il a raté sa chance l'année dernière, pourquoi lui redonner sa chance? Surtout qu'il a vraiment pas un style d'exhibition, on a un style bien normal, peut-être à la Gunner, mais pas un style à la G-Styles, quoi. Ouais, mais bon, non, je sais pas, il doit être apprécié. T'as aussi que le fait que ce soit un fils, enfin un fils d'eux, ça va l'aider, je sais. Peut-être bon, une importance aussi... des agents aussi, peut-être que voilà, ça aide. Voilà, peut-être par rapport à ça, son père doit l'aider, à mon avis, juste comme ça. Hein. Possible. En tout cas, moi, j'ai trouvé très en dessous par rapport aux autres, mais bon. Donc on va passer au match suivant, qui était Messina 12, puisqu'il s'est qualifié lors de ce match, contre Kid Cash. Donc il y avait trois catcheurs, Kid Cash, Zmayon et Douglas Williams, qui sont déjà à TNA, mais qui étaient là pour participer aussi au tournoi. Donc le match était tout de suite après le match de qualification. Donc on a eu un match assez long, forcément un match de 8 minutes 10, lent dans le rythme bien sûr. Un match qui m'a plutôt plu, j'étais plutôt satisfait d'ailleurs par les matchs de qualification. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Oh bah rapidement je dirais... Ah oui vas-y Sébastien. Moi je voulais dire que ce qui était bien c'est qu'on a pu tout de suite identifier l'histoire avec Mason Andrew qui était KO à cause d'un match qu'il avait fait juste avant et Kid Cash on peut tout de suite l'identifier comme un gros heel qui vient et qui perd pas de temps parce qu'il a même pas attendu que sa musique d'entrée soit diffusée, il était déjà dans le ring et après il s'est totalement acharné sur son adversaire. Moi, personnellement, j'avoue que j'ai été un peu surpris de la victoire parce que je pensais que Kid Cash allait aller en finale. Mais finalement, c'est quand même une bonne nouvelle pour Mason Andrews qui a quand même fait une très bonne soirée au final. Bah, moi, c'est plutôt l'inverse là que je pensais faire par rapport à toi, je veux dire par rapport au résultat final parce que de toute façon, Kid Cash, il a aidé à monter Jesse Sorensen, il a aidé à remettre un petit peu Hernandez, et là, son truc, de toute façon, c'est d'aider à lancer des jeunes, donc ah oui, voilà. Kid Cash, quand même, sa fin de carrière, quoi. Il va aller les autres et il va boucher les trous à TNA. Je pense que c'est vraiment pour ça qu'il est là, en fait. Là, on avait besoin de mecs pour le tournoi X-Division, donc on a pris Kid Cash et je pense qu'il a quand même bien fait son travail de heal dans ce match-là, mais je veux dire, c'est un match qui est pour moi qui est quand même très correct. Après deux matchs de suite pour Mason Andrews, je pense qu'il a quand même bien paru dans ces deux matchs-là et je pense qu'il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Moi, ouais, c'est un match aussi que j'ai plutôt bien aimé. Je trouvais logique dans la décision finale, puisque bon, qui cache la dernière fois qu'on l'a vu, c'était contre Hernandez et puis. Depuis les derniers mois, il n'y a pas fait beaucoup de matchs. Donc je pense qu'on va pouvoir passer au match suivant, qui était un autre match de qualification entre Douglas Williams et Kenny King. Personnellement, c'est le match que j'ai préféré des quatre. Alors j'ai laissé la parole à Broussi, qui n'est pas du tout d'accord avec moi sur ce sujet-là. Bah, Douglas Williams contre Kenny King, ouais, parce que... Mais Kenny King, moi j'ai l'habitude de le voir beaucoup, beaucoup plus montré, donc là j'ai trouvé assez sur la retenue et subissant un peu trop le rythme de Douglas Williams, ça s'est pas un mal en soi, mais bon, le but, voilà, de toute façon, on l'a vu aussi un petit peu, Williams, bah, c'est un ancien, on en parle même qu'il pourrait être entraîneur à l'OVW, le centre formation de la TNA, donc... Donc voilà, c'était le but du jeu de monter un petit peu Kenny King, mais celui-ci là n'a pas saisi, je trouve, la balle au vol. Bon, après, c'est un œil personnel, mais c'est le match, on va dire, décevant de la soirée. Après, faut pas oublier non plus que Douglas Williams, c'est pas vraiment un style X-Division non plus. Hein. C'est un petit peu même le contraire. C'est surtout un gars qui fait des prises au sol, des prises de soumission. Et donc, c'est difficile de faire un match purement X-Division avec un gars comme ça. Mais moi, justement, ce que j'aime bien de Douglas Williams, c'est qu'il a un style très britannique, un style on appelle World of Sport. C'est un style qui est très technique, beaucoup de contres. Moi, c'est un style que j'aime bien voir, même si, on le voit pas beaucoup dans les grandes fédérations. Il faut aller chercher plus dans les fédérations européennes. Je pense que Douglas Williams apporte justement un style différent à la X-Division, qui c'est pas trop mal, justement, de pas juste voir ce qui est des 450 splash et autres moves du genre. Je pense que ça apporte la diversité. Et je pense que Kenny King a quand même bien aussi suivi ce style-là au début du match. Une phase un peu plus technique qui a été bien réalisée. C'était un match d'une bonne durée. Que je pense que les deux ont bien paru également. Douglas Williams, même si ça fait peut-être un bout qu'il n'avait pas catché avec la TNA, je pense qu'il fait quand même le circuit indépendant un peu, donc s'il reste quand même en forme, et je pense que il a quand même très bien paru quoi dans ce match-là. Donc pour moi, ça a été un match, je pense, mon préféré de ces cinq matchs pour débuter la soirée, là, pour mettre l'Ultimate X à la suite pour déterminer les participants, quoi. Donc moi, ça a été mon match préféré dans tout ce processus-là. Donc, voilà. Moi aussi, parce que bon, déjà j'aime bien le style de Williams qui est très technique. Et puis il y avait ok, le match a été sur un faux rythme, mais en même temps, avec le style de Williams, je pouvais pas faire un match super rythmé. Et puis c'était aussi dans le style le vieux le vétéran super expérimenté contre le jeune loup avec des qualités techniques aériennes beaucoup plus évoluées et qui essaye de faire son trou. Donc après, je pense que c'est pour ça que le match m'a plu. Donc on va passer au match au troisième match qualificatif entre Sonjay Dutt, qui a battu Rashad Cameron, catcheur qui est passé par la CZW sous le nom de Sabian. MP. J'ai envie d'apporter une petite note avant de parler du match en détail. Rashad Cameron, qui est aussi connu sous le nom de Black Jeez et Sabian à la CZW, entre autres, il avait été un des jobbers de Ryback il y a quelques semaines. Là, on parle aussi, on parle un peu plus tard de l'affaire Kenny King. Sabian ou Black Jeez ou Rashad Cameron, qu'on peut l'appeler aussi, va être dans le tournoi par équipe de la ROH, donc il parcourt les grandes fédérations en ce moment. Mais oui, c'était, je pense que c'était un match pas mal, qui était quand même assez court avec Rashad Cameron. Donc ça a été, pour moi, ça a été quand même un match qui a bien suivi les autres. Je pense que c'était quand même aussi logique de faire suivre tous les matchs pour les qualifications de du Ultimate X en même temps. Donc je trouve que on donnait un petit peu de repos aux gens qui allaient participer au Ultimate X, et je pense que c'était pas mal d'avoir de les avoir tous fait suivre, quoi. Donc voilà, ça a été un match qui a été quand même assez court et qui a été dans la qualité, je crois, des autres matchs de qualification. Après, moi, je connaissais pas ce catcheur-là à la CZW, puisque je ne regarde pas la CZW. Le seul match que j'avais vu de lui, c'était contre Ryback, donc c'était pas vraiment évident de juger de son talent. J'avais pas aimé son match de qualification à Impact, parce que j'ai trouvé que son adversaire, je crois que c'est Mesh Nandos, j'ai trouvé que son adversaire avait beaucoup plus montré que lui, et qu'il n'avait pas fait grand-chose à part deux prises aériennes et quelques coups de poing. Et là, par contre, j'ai bien aimé son match. Parce que le match était équilibré, et puis forcément il avait duré beaucoup plus longtemps que celui de Impact, parce que celui-là a duré 7 minutes 18. D'ailleurs, c'est le deuxième plus court des matchs de qualification. Mais oui, ce match-là, j'ai beaucoup plus aimé, puisque des deux côtés il y avait de beaux échanges, même si on a l'impression que Sabian n'a pas forcément un style d'exhibition, il sait faire aussi des prises aériennes. Ce n'est pas seulement un heel qui en impose. Donc j'ai plutôt bien aimé ce match. Sébastien. Moi, je crois que c'était peut-être même mon favori de tous les premiers matchs de qualification. Parce que Rashad Cameron, c'est une bonne personnalité. Je pense qu'il sortait un petit peu du lot avec son look assez... on retient sa tête, en tout cas, dès qu'on sort du show, alors que certains, on les oublie directement. Et Sonjay Dutt, c'est quelqu'un qui est déjà établi à la TNA depuis un certain temps, même s'il avait une période d'intermittence où on a pu notamment le voir à la Ring Hacking. Et je pense que c'était un des matchs qui a été aussi préféré par la foule présente ce soir-là. Et oui, bon, le meilleur match pour moi des matchs de qualif. Bah, idem. Je vais dire un petit truc sur Sonjay Dutt, quand même, il revient de loin, parce que s'il n'y avait pas eu le projet Ring Hacking, il serait toujours à croupir dans les petites fédérations indépendantes. Hein, parce que quand on regarde son année 2011, il a quand même écumé l'une des pires fédérations indie, quand même. Quand on est vraiment déprimé, on peut aller à la JCW, qui est une petite fédération hardcore, mais après, il a vraiment enchaîné les micro-fédérations, et heureusement que Ring Hacking a réussi à le remettre sur le devant de la scène, et là, c'est pour notre plus grand bien qu'on le retrouve dans les pay-per-view de la TNA. Vas-y, Brousty. Oui, merci. Comme Sébastien, pour moi, c'est le meilleur match de de ce tour-là. Bon, le temps, c'est sûr. C'est pas énorme, mais bon, en même temps, c'est rapide. Et puis, c'est bien fait avec deux mecs expérimentés. Donc, voilà, ça donne bien. Et puis, pour le résultat attendu, parce que Sanjay Dutt, c'est. Bon, comme Verpa l'a dit, Sébastien fait tout le monde. Il est repassé par la Rika King, c'est lancé la TNA, donc voilà, il revenait dans les radars, et donc après c'est logique. D'ailleurs, c'est le favori du tournoi. Oui, alors juste une petite remarque de ma part, le t-shirt de Rashad Cameron était bien moche. Hein. Enfin, je trouvais que sa réalisation était bien mal faite. Je sais pas si c'est la TNA ou c'est lui qui a demandé à une petite boîte à côté de chez lui, mais ça faisait vraiment amateur. On va passer au match suivant de qualification, le dernier d'ailleurs, et le plus court, puisqu'il a duré 3 minutes 55, entre Zima Ion et Flip Casanova. Qu'est-ce que vous en avez pensé, MP? Ça a été, je pense qu'on peut dire que ça a été le moins bon match de qualification, le plus court aussi, donc on n'a pas vu grand-chose. Zima Ion, pour moi, c'est quand même une gimmick. Qui a de l'avenir, qui est intéressante, qui se démarque des autres, ça c'est bien. Dans le ring, on l'a pas beaucoup vu dans ce match-là, mais je pense qu'il est qu'il peut faire des bonnes performances, et je pense que même si on l'a pas vu beaucoup, il m'a bien semblé être en forme, et je pense que ça peut être bon pour l'avenir de l'exhibition qu'on va voir plus tard. Donc, un match assez court, il n'y a pas grand-chose à dire, franchement. C'est un peu dommage qu'on leur a pas donné plus de temps. Flip Kendrick, ou Flip Casanova, qui m'a donné un petit peu une meilleure impression de lui qu'à Impact, où il a botché plusieurs fois. Donc, c'est à voir. Peut-être qu'on va vouloir le réessayer pour l'an prochain, ou plus tard, si on a besoin de remplir la division. C'est un mec qui a quand même des habiletés, ça c'est sûr, qui peut sortir beaucoup de moves high fly, mais après c'est à voir si c'est pas un, je sais pas, je veux pas trop comparer à Sin Cara, mais c'est parce que c'est pas le même style du tout, mais je veux dire dans la manière que des fois le taux de réussite de ses moves c'est pas toujours très bon, donc voilà, c'est à voir. Moi j'ai trouvé chez lui que, alors j'ai pas trop fait gaffe au botch à Impact, mais j'ai trouvé chez lui qu'il a le défaut de quelques catcheurs indépendants, c'est-à-dire qu'il sait faire pas mal de prises impressionnantes, mais il n'y a pas de construction en fait. Il enchaîne les prises sans vraiment essayer de faire réagir le public en dehors avec son personnage en fait. D'ailleurs je lui ai posé la question à Verpa s'il connaissait ce catcheur en dehors de la TNA. Lequel? Flip Casanova. Non, je connaissais pas avant. Flip Kendrick? Oui. Oui, j'en ai entendu parler, mais je sais pas tellement ce qu'il vaut. Je connais deux noms, mais ça s'arrête là. Ok. Oh, voilà. Moi, idem, ouais. Ouais, je connaissais deux noms. Bon, après, ça, comme dit MP, là, c'était déjà mieux, là. Parce que c'est vrai que la dernière fois, il avait quand même un petit peu cassé le nez d'Arso, donc... Ses prises, elles sont spectaculaires, mais pas très contrôlées. Donc, du coup, ça, quand il ne contrôle pas, c'est assez dangereux pour l'adversaire. Mais et là, il les contrôlait, donc ça allait. Enfin, j'ai envie de dire, il a cassé le nez de Darceau. En même temps, Darceau, il n'est pas non plus très talentueux. Donc, c'est pas non plus. Ouais, mais là, en l'occurrence, c'était pas sa faute à Impact. Je ne sais pas ce que MP en pense, mais la faute entière en revient là, sur le coup, en revenait à Flip, qui. Voilà quoi. Donc, mais messieurs, je pense qu'on va pouvoir passer au match suivant entre Kurt Angle et Samoa Joe. Match pour les Bound for Glory. Donc, c'est un petit peu impressionnant dans le sens où l'année dernière on avait que des matchs typés exhibition. Cette année, on avait eu déjà un match pour le titre poids lourd de la TNA et là un match qui avait totalement pas de rapport avec l'exhibition, même si Samoa Joe est un ancien catcheur de l'exhibition. Donc, un match pour les Bound for Glory. Un tournoi qui mettra dans le vainqueur. Sera le challenger au titre poids lourd à Bound for Glory, dans sa manière de la TNA. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé de ce match, Sébastien? pour moi, c'est la première des nombreuses surprises de ce pay-per-view, parce que je m'attendais ou à une victoire de Kurt Angle ou à un match nul. Et le temps, enfin, ça se confirmait avec le temps, parce que je regardais mon chrono, c'était quasiment 15 minutes, et il y avait Samoa Joe qui portait une prise de soumission à Kurt Angle. Et à quelques secondes près, le match se finissait sur un match égalité. Et non, l'arbitre qui décide d'arrêter le match et qui offre la victoire à Samoa Joe. Donc, énorme surprise pour ma part. Je ne m'attendais vraiment pas. Et ça fait plaisir de voir Samoa Joe un petit peu relancé. Mais idem, c'est vrai que son année, 2012, c'est quand même l'année de la renaissance pour lui. Et il s'était offert en début d'année les titres par équipe à Magnus. Et puis après... Il commence très bien les Bound for Glory Series parce que cette victoire de 10 points là, c'est vrai que c'est une énorme surprise. Déjà, je le voyais vainqueur, je crois, enfin, je sais plus, mais sûrement pas avec 10 points. Hein, donc, et il est premier, ça met du piment en Bound for Glory Series parce que c'est vrai que non, c'est vraiment agréable quoi de le revoir remonter comme ça et puis fournir cette qualité de match. Ça rappelle leur affrontement de 2006. À partir de là, c'était un succès garanti. Quoi. Oh, mais je suis d'accord avec vos propos. Déjà, ça fait très bien de voir Samoa Joe qui a une bonne place dans les Bound for Glory Series parce que l'année dernière, je ne sais pas si on se rappelle, mais ça allait très mal pour lui. Ouais. Donc, et même on a eu l'épisode des kidnappers, ça c'est quand même un petit peu aussi, mais on savait plus trop comment booker Samoa Joe. Il y a eu aussi une affaire de suspension, voilà, c'était une année de misère pour Samoa Joe. Mais bon, il revient fort cette année, il nous offre un bon match avec Kurt Angle. Le seul truc que j'ai trouvé pour moi qui a été un peu, je sais pas, côté négatif, si on peut dire. C'est qu'on a peut-être un peu trop, je sais pas si on peut dire overbooké, mais je crois qu'il y a eu quelques angle slams. On a été souvent pour la soumission de Samoa Joe, donc le rear naked non. Choke. J'ai pas trouvé. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait plutôt une alternance. Non, mais surtout mon point, c'est que. Je veux dire, d'habitude, quand Samoa Joe place le rear naked choke, souvent, le mec va taper tout de suite. Et là, Kurt Angle, lui, il avait ce, un peu, je sais pas si on peut dire ça, comme aux indies, on a souvent plusieurs finishes. Les catcheurs vont résister à ces finishes, justement, parce que c'est de l'indie et on overbook un peu les finishes. Et là, c'est un peu la même chose. Donc, est-ce que ça décrédibilise pas un peu les finishes d'Angle et Joe, justement, qu'on retrouve plusieurs fois dans ce match-là. Donc, ça, c'est peut-être un peu mon point négatif, mais je veux dire, c'était quand même un bon match des Bound for Glory Series et je suis content quand même que ça ait eu sa place au pay-per-view. Ça a quand même montré au moins que c'est Kurt Angle et Samoa Joe, c'est deux mecs importants et qu'on les montre au pay-per-view. Donc, c'est des points négatifs. Il y a plus de points positifs au moins que de points négatifs quand même. Mais je vais te rassurer tout de suite, le Angle Slam n'a plus aucune valeur hein, parce que Kurt Angle, à tous les matchs, il en sort un et son adversaire se dégage à chaque fois. Donc c'est plus vraiment une prise de finition. Hein. Ah ouais. Il n'y a que l'Ankle Lock quoi, qui lui permet de gagner maintenant. Ouais. Ce qui est un peu dommage. Et... Bon, et sinon, juste. Oui, ça c'est sûr. Parce que ça lui laisse plus beaucoup de possibilités. Bon, même s'il est un peu dans la fin de sa carrière, mais bon, quand même. Bon, il a encore prévu quand même 2 ans, hein, donc bon, faut voir. Hein. Bon, le seul point négatif en fait du match, c'est l'arbitre, comme d'habitude, quoi. Voilà, c'est un Lamneur. Hein. Bon. Toujours des controverses à la cour, une incompréhension à chaque fois, toujours comme ça. Je sais pas quoi il jouait ça, mais bon. Il a dû être perturbé par le bisou de Madison Rain, je pense, à Impact. Le problème, c'est qu'il est perturbé toute l'année, quoi. Oui, depuis je sais pas combien d'années, en plus c'est de famille parce que son fils a commencé son prénom déjà. Brian fait aussi pas mal d'erreurs. Enfin ouais, bref, ouais, moi j'ai plutôt bien aimé le match. Il me semble qu'il y a eu deux angle slam ou un, je sais plus. Mais j'ai pas trouvé ça super. Enfin, j'ai pas été aussi choqué qu'MP. Après, j'ai trouvé le match plutôt bon, avec plus Samoa Joe qui domine, ce qui m'a plu. Dans un sens, c'est plus logique puisqu'il est plus jeune que Angle. Mais c'est un match que j'ai plutôt bien aimé. Je pensais pas qu'il allait avoir autant de longueur dans ce match, puisque il a duré 14 minutes 38 et Hogan a dit qu'il y avait une limite de temps de 15 minutes. Donc ça était pas loin du match nul, mais j'ai été étonné du résultat. Je pensais voir Angle gagner pour essayer de remonter dans le classement et avoir un peu plus de suspense. Mais apparemment, on préfère mettre Joe et Storm au tête à tête. Je pense qu'on va pouvoir passer à la suite avec le match AJ Styles Christopher Daniels en Last Man Standing. Alors, tout d'abord, avant de parler du match, qu'est-ce que vous pensez de la rivalité qui fait un petit peu débat sur le forum et un peu partout? La rivalité, c'est-à-dire. Aussi. Ah, Bah mais avec Dixie Carter, c'est pourri. Claire. C'est pourri. Donc, il n'y a pas à dire, là, cette histoire-là. Une actrice sortie de nulle part. Des histoires comme quoi AJ Styles serait le papa. On s'en fout, mais complet. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a comme intérêt? Bon, cette rivalité dure depuis Destination X l'année dernière. Voilà. Ben, c'est comme ça qu'ils essaient de la faire rebondir. Il paraît qu'il va y avoir encore des trucs après. Génial, superbe. Non, là, c'est catastrophique la story. On s'occupe juste du match. Hein. C'était le point noir d'ailleurs des impactés personnellement. Hein. Ben au moins j'ai trouvé au moins un point positif à cette rivalité. C'est déjà pas mal, c'est que ça fait affronter Christopher Daniels et AJ Styles. Ça donne des bons matchs, donc. Ah, allez, les mettre à main event des shows. Même si c'est pour un segment pourri, ils étaient à main event. C'est vrai aussi. C'est le deuxième bon point. Ils avaient fait un match par équipe à main event et un segment à main event. Depuis qu'il y a eu Hogan, AJ Styles à main event. Depuis qu'il n'y a plus le Moi, titre. je veux l'avis de Sébastien qui veut l'accouchement en direct à Impact. Alors, c'est ce que je ne veux pas, absolument pas. Bah Non, mais moi, je... écoute, cette rivalité, moi je trouve que c'est actuellement le gros point noir également à la TNA. Je suis emballé à peu près partout actuellement, sauf cette rivalité. Mais au moins, oui, ça nous permet d'avoir des Christopher Daniels contre AJ Styles. Et s'ils sont tous de la qualité du match qu'on avait eu ce dimanche, je signe pour que ça continue. Moi, je trouve pas si mauvaise que ça la rivalité. Enfin, c'est plus le jeu d'actrice de Claire Lynch là, que je trouve vraiment mauvais. Surtout au premier show qu'elle avait fait quand elle faisait semblant de pleurer là. Elle a vraiment pas aimé. Après, la rivalité pas si mauvaise, c'est juste ils savaient pas trop où partir. Au début, ils partaient sur une liaison entre Dixie et AJ. Puis après, c'est parti sur la fille droguée. Maintenant, ça part sur. Sur AJ qui est peut-être papa de l'enfant de cette droguée, donc bon voilà. Ouais, mais c'est ça, Mais il trouve un truc à chaque fois, quoi, pour ouais, c'est rejeter ça. du suspense, quoi. C'est. Au moins, ça permet de donner du temps d'antenne à AJ et Daniels, quoi. Enfin, comme l'a dit AJ dans son interview, il y a eu des meilleures rivalités, mais il y en a eu des pires surtout. Donc, je pense qu'on peut oublier la rivalité. Et qu'est-ce que vous avez pensé du match? Aussi. Le match, non, plutôt pas mal. De toute façon, à chaque fois, ils font jamais de mauvais matchs. Bon, après, Vincent, comme tu le disais sur le forum, je crois, ou sur Skype l'autre jour, s'il y a un truc particulier, c'est que c'est vrai qu'il y a l'impression que Daniels, il a fait que des matchs contre AJ Styles, quoi. Ah, tiens, c'est fou, ça, au fil des années et tout, toujours en rapport avec AJ Styles, c'est juste ça. Donc, à force, c'est sûr qu'ils ont une énorme alchimie, déjà qu'ils se connaissaient au départ de la ROH, donc c'est pour dire que ils catchent les yeux fermés, quoi. Donc, à partir de là, ça donne une bonne production, et puis. Il me semble que c'était dans ma review sur Vox 4, tu vois, c'est vrai que j'ai l'impression que il est revenu en 2000, bah, l'année dernière, en 2011, à la TNA, et c'est parti sur sa rivalité avec AJ, mais j'ai tout le temps l'impression qu'il est tout le temps autour d'AJ, que ce soit en équipe avec lui, en rivalité avec lui, j'ai l'impression que la TNA ne sait pas le booker autrement. Mais il y avait quand même eu un moment où, croire, quand il avait été AJ dans le clan de Kurt Angle et tout ça, ça n'avait pas été avec Daniels, quoi. Daniels, dans ce temps-là, il avait la ceinture Excision et tout, donc il y a quand même eu des moments où AJ n'était pas arrivé avec Daniels, mais c'est sûr que c'est arrivé souvent parce que c'est deux pionniers de la X-Division et deux mecs qui sont importants à TNA, quoi. Mais ce que j'aime bien aussi dans leur match, quoi, c'est que même s'ils se connaissent très bien et tout, ils arrivent toujours à apporter de la variété quand même, quoi. Dans le match, on a quand même vu des spots qu'on n'avait jamais vus et tout ça. Donc, pour moi, c'était un grand match. Je pense qu'on peut dire le deuxième match du show, quoi. Deuxième plus bon match du show. Donc, c'est quand même surtout la fin, quoi, avec les spots sur la rampe et tout. Donc, ça a été pour moi un grand match, encore une fois, entre ces deux-là. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce match? Non, à part que je me demande ce qui va se passer après, parce que bon. C'est pas fini, mais... Oui. J'ai envie de dire tout et n'importe quoi. Donc on va passer au match suivant. C'était le match Ultimate X pour la ceinture X-Division entre les qualifiés de ce pay-per-view, Ozzy Marion, Mason Andrews, Kenny King et Sonny Jadot. Un match de 8 minutes 50. J'ai trouvé moyen, dans le sens où c'était un bon match, mais moins bon que certains Ultimate X et meilleur que d'autres. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Sébastien? Moi, ce que je trouve dommage un petit peu avec l'Ultimate X, c'est que j'ai l'impression que plus ça va et plus les matchs sont courts. Ça, j'ai remarqué ça depuis un certain temps. Je pense qu'il y a certains temps, les matchs étaient un bon quart d'heure, voire 20 minutes. Et actuellement, on est systématiquement sous les 10 minutes. Et ça, c'est dommage pour un tel match qui devrait avoir une énorme importance, parce que c'est quand même un match que seule la TNA a. C'est un concept unique qu'ils ont trouvé et je pense que c'est même leur meilleur actuellement. Après, pour en revenir au match en lui-même, j'ai trouvé pas super, mais le finish un petit peu mauvais. Sonjay Dutt qui se blesse, donc je sais pas si ça a affecté le match, mais quoi qu'il arrive, je pense que Zima Ryan, c'était le bon choix pour couronner un nouveau champion. Ouais, moi aussi, parce que c'était un peu parmi ceux qui étaient déjà là à la TNA, c'est le seul qui n'avait pas encore eu le titre. Après, la particularité, c'est que c'était le seul heel du match aussi, d'ailleurs, ça s'est vu au début du match, où il a reçu le triple dropkick. Sa victoire est logique et puis je suis pas d'accord avec un truc que Vincent disait sur Wessel, je crois, que comme quoi Zima Ayon en a fait le moins. Non, j'ai pas trop trouvé, franchement. Je trouvais que la participation était plutôt égale. Après, juste dommage pour Stone Jedel qui s'est blessé au bras, donc du coup ça a forcément handicapé ses chances. Peut-être même que c'est lui qui aurait pu être champion s'il n'avait pas eu de la blessure au bras, parce qu'il était disponible pour 2 mois du coup. Ça, on ne sait jamais, mais bon, après, comme plus tôt dans le show, on a vu Jesse Sorensen qui annonçait son retour, et puis voilà que Zima Ayon l'a un peu branché et tout par micro interposé. C'est vrai qu'on se dirige vers cette rivalité après, et puis on va voir, j'espère, les Mason Andrews qui a fait quand même aussi une bonne participation, Kenny King et autres qui vont s'y mettre après, quoi. Bah, puis en fait, moi je trouve qu'ils pouvaient mettre qu'un champion heel après Austin Aries surtout. Ou alors si c'était un face, son règne n'aurait pas été très long parce que Tim Bayon serait venu derrière ou un autre. Mais voilà, je pense que Sonny Dutt était aussi bien parti, mais comme il était face, c'était mal parti pour lui. Maintenant il est blessé. Après, peut-être qu'il y aura une rivalité Kenny King-Ayon en attendant le retour de Sorensen, mais bon, c'est vrai que à part une victoire de Zima Ayon, je pense que faut pas faire autrement. Après, bon, il y avait quelques bons spots dans le match, mais c'est vrai que j'ai trouvé le match un peu moins bon que d'autres. MP, je crois que t'as pas parlé sur ce match. Moi, ben, j'ai pas grand chose à rajouter. Je voulais parler peut-être un peu de Sonjay Dutt, quand même, qui a fait tout un effort pour revenir dans le match, quoi. J'ai vu sur Twitter, c'est moi, Joe, qui tweetait que Dutt a dû se faire remettre l'épaule en place pour revenir dans le match, donc. C'est quand même tout un effort de sa part de faire le finish, autant dangereux soit le finish, quoi, qui sont montés quand même assez haut dans les airs pour le faire. Donc c'est quand même quelque chose que je respecte d'un mec comme Sonjay Dutt qui a tout donné pour donner une bonne performance aux fans et un match qui quand même qui a peut-être été moins long que prévu ou quand même moins bon que qu'on pouvait s'attendre, mais qui a quand même eu un finish qui était digne d'un Ultimate X. Et ça, c'est grâce à Sanjay Dutt et son effort. Ah oui, c'est vrai qu'il était blessé en tout début de match et qu'il est revenu à la fin pour monter tout en haut de l'échafaudage et puis aller en plein milieu et tout. Non, c'est vrai que vraiment, ouais. C'est vrai que c'est un profil de catcheur vraiment qui est agréable à avoir dans une fédération, donc c'est pas mal qu'il soit revenu, quoi. Alors, on va passer au main event pour le titre de champion poids lourd de la TNA entre Bobby Roode, qui était quand même champion depuis octobre, si je ne me trompe pas, et Austin Aries, qui était champion depuis aussi à peu près octobre, mais lui champion d'exhibition. Donc, c'était toute une storyline, puisque Hogan avait proposé à Aries ce match s'il mettait vacant sa ceinture. Puis Wiz est venu lui dire oui, mais à condition que tu fasses ça chaque année pour les autres, pour que l'exhibition devienne encore plus forte, qu'elle soit encore plus importante aux yeux des dirigeants et des fans. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Personnellement, moi je trouve que c'est le meilleur match de la soirée par rapport au résultat et au match. Meilleur match de la soirée depuis longtemps, en tout cas pour moi, meilleur match de l'Athéna depuis longtemps quand même. Je sais pas si on peut qualifier ça de peut-être match d'année côté TNA, mais en tout cas, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un match d'une autant grande qualité pour moi. Je trouve que aussi c'est un parfait moment pour faire le perdre le titre à Bobby Roode et aussi un parfait moment pour avoir ces deux-là en rivalité parce que Bobby Roode avait tellement un règne long et tellement un règne heel puissant que c'était combiné avec ce que Aries a fait avec la division X et son règne aussi qui était tellement long et tellement parsemé de bons matchs et de qualité aussi. Les deux arrivaient avec un tel momentum dans ce match-là que c'était incroyable qu'est-ce que ça pouvait faire si Aries a gagné le titre et justement Aries l'a gagné. Donc ça c'est très bien. Je pense que ça a été un build-up qui a été excellent. Même si ça n'a pas duré longtemps, avec tout ce qu'il y avait derrière, c'était très bon. Et justement, aussi un point intéressant, ce que j'ai trouvé dans ce match-là, c'est que malgré que à la WWE, on décrédibilise par exemple la division par équipe avec Kofi Kingston et R-Truth qui sont des fois se font massacrer par le Big Show plutôt. Et à Athéna, justement, ici, on arrive avec le champion X-Division qui réussit à battre le champion poids lourd, ça c'est quand même, ça montre que la division X est à un autre, quand même un niveau qui est quand même pas si en dessous que la division poids lourd. Donc ça montre que justement, ça peut arriver que des champions X-Division vont pouvoir gagner par exemple le titre majeur ou avoir une place importante en pay-per-view. Donc ça c'est, je pense que c'est un point très important qui a été montré dans ce pay-per-view. Sébastien. Alors moi, je suis très très content de la victoire de Sinaris, à laquelle personnellement je ne m'y attendais, mais alors pas du tout. Moi, j'étais certain que Roode allait conserver son titre jusqu'à Bound for Glory et qu'il affronterait James Storm. Pour moi, c'était quasiment signé. Et donc, je suis totalement tombé des nues avec cette victoire. Après, ma crainte, c'est que ça ne dure qu'un mois peut-être, un mois ou deux, et qu'il perde son titre assez rapidement, mais ce serait dommage un petit peu de gâcher ça, mais je sais pas trop. Hein. J'espère que ça va durer, mais je suis dans l'expectative. Moi, je m'attends vraiment. Je me demande ce qui va se passer déjà ce jeudi à Impact. Et après, advienne que pourra, mais quand même très content de la victoire. Oui, moi aussi, mais c'est vrai que c'est une réelle surprise, je m'y attendais vraiment pas. C'est un signal très très fort quand même. De ce qu'Harry s'est devenu en peu de temps quand même, parce que ça fait un an pile et qu'il est revenu à la TNA, vu que l'année dernière c'est lui qui décrochait le contrat à Destination X. Et puis une montée en puissance, il a lui tout seul porté l'X-Division, et puis là d'un coup il bat quand même celui qui a battu Sting, Jeff Hardy, AJ Styles, James Storm, Rowan Dam, Mr. Anderson. Ben voilà quoi, n'en jetez plus quoi, fort sur ce parcours de plus de 7 mois de champion, mine de rien, Bobby Roode. Bon après le match je suis d'accord, c'est je pense aussi que c'est le meilleur match de la soirée. Il y a vraiment un mélange parfait entre les diverses dominations et puis la fin, tentative de tricherie, et puis non, vraiment, enfin, y a rien qui a gâché même ça, donc non, vraiment, non, c'était bien pour terminer. Il y a pas mal de tas d'expressions. Ça a duré 20 minutes, non, à peu près, je crois. Et 22 minutes 42. ouais, voilà, bah, c'est énorme, ça, pour un match de la TN, et ça fait, c'est pas souvent qu'un match de cette durée déjà, hein. Donc ça veut dire vraiment que il y a une importance qui est donnée là, et c'est intéressant, mais après il faut voir, parce qu'il y a toujours à l'esprit qu'à Bound for Glory, James Storm affronterait Bobby Roode, et puis Bobby Roode, sa ceinture, ça ferait bizarre. Bon, il y a encore 3 mois, et bon, je vois Bobby Roode reprendre la ceinture, moi, un mois avant Bound for Glory, à No Surrender, je crois. Et bon, ça fait pas un très long règne pour Austin Harris, donc bon, après je peux me tromper, mais bon, je pense comme ça. Après, je sais pas, il faut gérer. Après, justement, garder Roode très haut, comme tu le dis, MP, c'est un heal tellement puissant, hein. Enfin, il est devenu tellement puissant au fil du temps, donc que c'est pas possible de le faire descendre. Donc après, voilà, faut bien gérer tout ça, quoi. Donc on va passer aux notes, messieurs. Sébastien, quelle note tu donnerais à Destination X? Moi, je vous avoue que j'étais très emballé par le pay-per-view, donc je montais à 8,5. C'est notamment renforcé par le fait que pour moi, il y a énormément de surprises sur ce pay-per-view. Et quand il y a des surprises, moi j'aime bien. C'est tout ce que le catch va nous proposer, des surprises, de l'action. Donc un bon 8,5. MP. Je pense qu'on tient le pay-per-view de l'année côté TNA. Je veux pas trop m'emballer, mais on regarde, on a déjà fait la moitié de l'année déjà, donc je pense que ça se battra peut-être pas encore. Je pense pas que ce pay-per-view sera battu, mais bon, on peut toujours attendre qu'est-ce qui va arriver. Mais je vais suivre Sébastien sur sa note avec un 8,5. Je pense que c'est une note que mérite largement la TNA. Ben, moi je mettrais 8, le show est très solide, très équilibré en qualité, donc c'est bien. Bon, vers quoi je te demande pas, comme t'as pas vu le pay-per-view, où tu lui donnes une note par rapport au résultat. Non, non, c'est pas la peine, je vais pas gêner la moyenne des experts de la tienne. Et ben moi je vais mettre 8,5 aussi, parce que peu d'erreurs dans ce pay-per-view. C'est l'un des meilleurs de la TNA depuis bien longtemps. Donc je pense que 8,5 c'est une bonne note surtout pour la TNA. Donc ça fait un score de 8,365, 375, pardon. Quand même Mention très très très bien. bonne note. Ouais, J'ai bah fait oui, parce 16. qu'on a plus l'habitude de donner des 5 pour la TNA que des 8,5. Donc Ouais, je dis mais c'est. il y a une bonne tendance. Avant lockdown, c'était nul, moyen au mieux. Depuis le lockdown, c'est bon à très bon là, donc c'est bien. Ouais, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pas plutôt le concept Destination X qui est plutôt très réussi, ou c'est la qualité de ce qu'il y a dans le ring, indépendamment du concept? Ben, Non, moi les je deux pense que. mélangés. Je pense qu'on Donc va le se thème régaler. plus ce qui est produit, les deux, ça produit une bonne alchimie et ça permet d'atteindre des Parce que sommets, parce que. voilà, parce que quand même, ils ont fait, il y a Il eu deux faudra voir. classiques de la tienne, et donc Et on Michael attend Stackhouse, Maxime Samoa qui va Joe, nous. et On attend la ouais. recommandation de MP qui va donner la phrase de Wrestles Radio. Ah oh bah non, MP, il joue pas. Bah, Ouais, l'équipe de comme je Wrestles l'ai Radio dit. vous recommande ce pay-per-view. Eh oui, c'est ce qu'on vous recommande. On vous recommande de voir Destination X. Si vous ne l'avez pas encore vu, ça vaut le coup. Vous Et devriez d'ailleurs, au même passage, arrêter la lecture de ce podcast pour aller le voir immédiatement. Donc il voilà. va y avoir une diffusion en version française sur MCS normale dans très peu de temps, je crois, ce week-end, notamment avec Sylvian Varini et Grégoridis. Alors on va passer vite fait à la ROH, puisque Kenny King, qui a participé au tournoi de la X-Division, c'est un catcheur de la ROH, champion par équipe avec Red Titus, champion depuis 2 semaines. Enfin, maintenant un peu presque un mois. Donc ça a fait un gros scandale auprès des dirigeants de la ROH. Ils ont mis des ceintures vacantes et ils ont organisé, enfin ils vont organiser, puisque ça va commencer début août, un tournoi pour couronner de nouveaux champions. Alors, déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire Kenny King, de ce départ, et aussi des participants au tournoi? Il y a les Bucks, il y a les Briscoes, il y a Richards et O'Reilly, Edwards et Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Je vais t'arrêter tout de suite. Alors, il y a 8 la liste équipes, a été mise à jour. Il y en a 3 qui ont été annoncées. Là, celle que tu commences à citer, c'était des rumeurs. Et Richardson Riley, elle est morte, cette équipe, il fallait juste le dire. Les 3 équipes annoncées, ben, c'est déjà les 2 premières que tu as annoncées, Young Bucks et Briscoe. La 3e, c'est justement dans le genre itinérant. Et bien, justement, on retrouve Bell Cadjiz, alias Sabian, alias Rachel Cameron, associé à Rukus. Donc, deux catcheurs de la CZW, voilà. Le retour de BLK out, quoi. Voilà. Une équipe vintage de la CZW, qui est 3e équipe, donc il en reste encore 5. Donc, il faudra voir. Il n'y aura sûrement pas l'équipe Benjamin As, parce que Shelton Benjamin sera au Japon. Donc, il faut voir. Il y a un renouvellement, parce que c'est vrai que cette équipe de la CZW, c'est une surprise. J'aurais dit, tant mieux, parce que le Besco, quand même, était cette fois champion par équipe, donc... Bah, ils peuvent l'être, hein. Oui, bah oui, mais bon. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup. Bon, après, l'intérêt aussi de mettre le Besco champion, c'est aussi qu'il reste à l'ROH, parce que la WWE les drague très souvent, donc c'est aussi l'intérêt. Mais justement, oui, c'est une tendance. Là, Kenny King, il a fait un petit peu, comme on dit, son branleur, parce qu'il avait donné une parole à... Les Roches, son contrat s'était fini il y a 11 jours avant qu'il apparaisse à TNA, donc le 5 juillet dernier. Et donc il était devenu champion le 24 juin. Donc c'était un petit peu prévu qu'il continue. Et puis les Roches lui avait dit ouais, ok pour négocier, mais bon, préviens-nous avant. Et puis surtout, n'apparaît pas dans les shows. Et lui, il a fait un petit peu tout le contraire de ce qui était proposé. Et en fait, il a même dit que c'est plutôt la TNA qui lui a dit que le deal qu'il avait passé à la ROH était pourri, donc qu'il n'était pas viable. Donc à partir de là, c'était facile de le faire débarquer d'un coup, du jour au lendemain à la TNA. C'est ce qui s'est passé. Donc voilà. Ah, mais... Après, il était content d'ailleurs. Ils ont tout de suite la TNA. Il faut remarquer aussi, quand on connaît un petit peu la ROH, que dans le même épisode d'Impact où Kenny King est arrivé, ils ont fait un petit segment en vestiaire où ils étaient tout contents de retrouver Austin Harris, qui était son mentor à l'ROH aussi. Donc. En même temps, Kenny King n'avait rien signé. C'est une entente verbale, faut dire. Hein. Il n'avait rien signé avec l'ROH. C'est une entente verbale, oui, mais bon, en même temps, quand tu dis... quand ton employeur avec qui, qui te fait confiance, qui te donne une ceinture, te dit que tu peux étudier les offres des autres fédérations sans y participer, enfin sans y combattre, je sais pas, je trouve que c'est une réaction un petit peu con de sa part, puis se grille un petit peu aussi sur la scène indépendante, alors peut-être pas sur toute la scène indépendante, par exemple il peut aller encore les catcher à l'Evolve, mais... Mais la ROH, c'est une fédération qui a beaucoup de connexions. Hein, donc, Bah oui. Mais oui, sa réputation va prendre un coup. Mais en même temps, je veux dire, Kenny King, en tout cas, c'est pas fait encore, mais ça a l'air de bien aller pour qu'il signe avec le TNA. Donc, ça, c'est. Il aura déjà des dates à faire avec le TNA. Je sais pas s'il va faire les shows et tout, mais déjà là, ça y fait quelques dates par mois. Pour moi, ça m'a l'air fait, ça peut être officialisé, mais bon. Disons que Mason Andrews, Swan Jedet, Kenny King et je sais pas, je dois en oublier. J'en oublie un. Hein. Rubik, je suis pas sûr. Alors bon, hein. Toutes les nouvelles têtes. Oui, Joey Ryan en plus, c'est vrai que lui est prévu quand même qu'il signe au moment donné. Donc, les 3 nouvelles têtes, je crois. Il y en avait 3 nouveaux. Alex qui Silva. Qui a signé alors qu'il devait pas signer. Il faut oublier. D'ailleurs, petite info, bon. La TNA, donc, elle est un peu liée à l'OEW. D'ailleurs, Tyler Hendrix, qui est la dernière reçue au Gotchek, elle est redevenue championne féminine à l'OEW. Mais bon, en attendant, les catcheurs de la OEW, ils sont pas prêts d'arriver à TNA. Vraiment pas prêts. C'est vraiment pas de sitôt. Ouais. Ça a été annoncé. Récemment, c'est pas de merde la veille. Il y a que les Silva et Hendrix sont les bons. Donc c'est fin. Bon, ça c'était pour la petite aparté, mais les nouveaux, là, ceux qui ont été dans le dernier tour, Andrews qui a affronté Cash, Casanova. Ah voilà, j'oublie Flip Casanova, voilà, c'est le 4e. À mon avis, c'est les 4 qui vont signer à la TNA. Bon, signer, ça va dire perdurer aussi, parce que Kenny a quand même la fâcheuse habitude de prendre, tu restes 6 mois et puis après t'es relâché. Donc le problème avec Kenny King, c'est s'il signe, bon, il tente sa chance. Il y en a qui ont fait pire que ça dans, en présentant des no-shows et tout ça. Bon, il dévie un petit peu de son contrat et de son contrat verbal, mais au moins il tente sa chance. Mais le problème, c'est qu'il risque sûrement d'être pas rejeté, mais il va. À moins de faire une Austin Aries qui est pour l'instant l'exemple même de la réussite en partant de la scène indépendante et en étant un faux moyen, il a de fortes chances de ne pas rester très longtemps et de rater. Et puis comme on sait que la Ring of Honor a pas mal de ramifications avec les agents, les producteurs et les organisateurs, que ce soit de la Chikara, de la PWG, de la FWE, quelque chose comme ça, il va avoir du mal à se recycler dans le circuit indépendant si jamais il venait à échouer à la TNA. Ouais, mais ce qu'il faut pas oublier dans le cas de Kenny King, c'est qu'il a des connexions avec Dave Lagana, qui est très important à la TNA. Et la lutte, c'est plus une business d'amis que vraiment de ce que tu fais tes preuves ou non et tout. Bah, Kenny King, lui au moins, il a vraiment un gros contact à la TNA et ça peut vraiment jouer à sa faveur. Donc, en plus d'être ami avec Austin Aries et tout, donc pour moi, en tout cas, c'est, je sais pas si c'est pas encore fait, mais en tout cas, il devrait signer avec la TNA. Et, avec ses connexions, d'après moi, il est pas parti de si tôt d'Athéna. En tout cas, on va voir ce qu'il va faire. Mais bon, s'ils veulent donner de l'importance avec la X-Division, ils ont Kenny King, d'après moi, il pourrait avoir un rôle important, en tout cas. Oui, mais le problème, c'est s'il signe avec la TNA, déjà, il va falloir qu'il déménage, puisque la Ring of Honor est basée à Philadelphie, si je ne me trompe pas. Donc, il va falloir qu'il parte en Floride, à Orlando. Mais le problème aussi, ça non, va être... Non. La Ring of Honor, elle est à Charlotte. Oui, mais de toute façon, c'est en Caroline, donc il va falloir qu'il déménage. Moi, mais... Le problème... C'est... Le problème, c'est qu'à la TNA, on va lui faire signer un contrat où il va être payé par apparition. Comme à peu près tous ceux qui sortent de la scène indépendante et qui vont à la TNA. Donc payé par show, ça va peut-être pas forcément lui rapporter énormément. Bah ça dépend toujours des house shows et tout. Ça, c'est... S'il fait des house shows et tout, ça peut lui rapporter plus. Mais aussi, si par exemple, il fait juste quelques dates à Athéna, il fait quelques dates par mois à Orlando, donc... Il y en a qui habitent ailleurs et qui prennent l'avion pour aller à Orlando et tout. Parce que, je veux dire, ils font quoi 4 Impact Live par mois. Il y a même un pay-per-view par mois, ça fait 5 dates, quoi. 5 dates à Orlando par mois, c'est pas si grand que ça. C'est 5 jours sur, quoi, 30, 31, donc c'est pas mal. T'as pas besoin de vivre à Orlando non plus, quoi. Oui, donc, je pense qu'on a assez parlé sur Kenny King. On va passer sur la WWE. On va pas faire match par match, sinon ça va être trop long. Surtout qu'on a dit que SummerSlam serait peut-être un petit peu plus court que Radio. Mais on va parler de Money in the Bank qui aura lieu ce dimanche. Alors, comme match annoncé, j'ai la carte sous les yeux. Le match pour le titre de la WWE entre CM Punk et Daniel Bryan avec AJ en un maître spécial. Sheamus contre Alberto Del Rio pour le titre de champion poids lourd. Le match du Money in the Bank, match de l'échelle Money in the Bank entre Big Show, Kane, John Cena, que j'ai pour l'instant annoncé, pour l'instant sont 4. C'est pas dit qu'il se reste juste à la fin. Donc pour la ceinture, enfin pour cacher sur la ceinture WWE. Du côté de SmackDown pour la ceinture poids lourd, Sin Cara, Cody Rhodes, Tyson Kidd, Damien Sandow, le champion des États-Unis, Samson Snowmire, le champion intercontinental, Christian, Tensai et Dolph Ziggler. Et après, en pré-show en direct sur YouTube, à 2h du matin, heure française, Kofi Kingston et Artrus vont défendre la ceinture par équipe entre Unico et Camacho. Donc d'abord, qu'est-ce que vous pensez assez rapidement de cette carte? Quel match vous attendez? Quel match vous attendez pas? Et quel match vous pensez qu'ils vont être rajoutés? Parce que, bon, 5 matchs, on se doute bien qu'il va y avoir un match ou deux de rajoutés. Donc voilà, 3 questions. Bon, j'ai commencé alors. Il y a deux matchs que j'attends. C'est le match, le Money in the Bank Ladder match à 8, qui ne sera pas à 8 d'ailleurs, pour le contrat pour le titre poids lourd. Ouais, peut-être pas à 8 parce qu'il se pourrait qu'il trouve le moyen d'éjecter Tyson Kidd, dont il pourrait vendre une petite blessure là, des mains de Tensai, donc à voir. Parce que bon, il y a pas mal de catcheurs de talent, et puis le petit rêve, c'est que Christian décroche sa mallette, hein, qu'il faut voir. Même s'il y a Cody Rhodes, c'est Dolph Ziggler, mon ami, qui sont en pole position, hein, même plutôt de Cody Rhodes. Et pour l'autre match que j'attends, c'est bien sûr le CM Punk Daniel Bryan, avec KJ comme arbitre, Ils donnent de l'excellent et là c'est, je suis assez curieux de voir ça, comment ça se passe, surtout que le résultat me semble assez indécis. Moi je pense même que Daniel Bryan peut gagner, donc c'est pour dire. Et sinon pour le reste, je pense que Kofi Kingston et R-Truth, ils vont avoir un autre match dans le show contre les prime time players favoris de MP qui vont à mon avis mettre leur clause de match de championnat à cette occasion. Et puis on va bien avoir du rallyback encore contre Tyler Rex et Kurt Hawkins ou contre Drew McIntyre et peut-être un truc du genre Produce Clay et Zack Ryder contre David Otunga et Jack Swagger. Voilà. Mais sinon bien sûr John Cena va gagner sans problème la mallette. On risque fort de se taper Ryback quand même. Vu comment c'est parti. Est-ce qu'on pourrait pas par exemple faire un 5 contre 1? 5 contre Ryback par exemple, ça pourrait donner un bon petit match. Alors j'ai vu sur Twitter. J'ai vu sur Twitter que Drew McIntyre voulait prendre sa revanche sur Produce Clay. Donc ça serait peut-être ça le match. Oui, qui montrait qu'il chargeait un pistolet, oui. Non, personnellement, moi j'attends le match forcément entre Bryan et Punk, en espérant qu'ils vont pas nous trouver une fin pourrie avec AJ. Je pense pas que Bryan va prendre le titre, parce que je vois pas Bryan champion à SummerSlam, simplement. Enfin, pas parce qu'il a pas le talent, mais parce que je voudrais replacer CM Punk dans un match, sachant qu'il y a déjà Brock Lesnar. Justement, tu réponds au truc qu'on se posait avec MP. Parce qu'MP disait, oui, c'est vrai que la WWE réfléchit en termes d'argent, c'est sûr. Mais elle a déjà Triple H, Brock Lesnar qui est vendu, donc à partir de là, pas de problème. Quoique, non, c'est que Brock Lesnar ne vend pas beaucoup. Hein. Enfin, c'est vend beaucoup moins que prévu. Hein. Pas problème, si, en l'occurrence, c'est parce qu'il a été champion pour... Non mais, ah, oui, moi, mais à John Cena, Daniel Bryan, moi je le vois ce SummerSlam, voilà. Enfin, honnêtement, non, je le vois comme ça. Là, j'ai pas réfléchi en termes d'argent. Je me dis juste que si CM Punk est champion depuis Survivor Series, donc il a quand même un certain statut, déjà avant son titre d'ailleurs, je le vois pas, comment dire, être en milieu de carte. Alors après, aussi, le placer contre qui, pas... on va pas le placer contre Tensai, par exemple. Donc ça sera forcément dans l'immédiat, je vois pas. Mais, bon voilà, en triple threat avec John Cena et Bryan, voilà. Ça me semble ouais, comme non. Ça, ouais. Enfin, je vois pas trop. Enfin bref, moi j'attends le match là, et j'attends aussi le Money in the Bank de SmackDown. Parce que moi je vois plus Rhodes emporter la ceinture, parce que je trouve que Ziggler a pas forcément besoin de la mallette. Et j'attends aussi la performance de Tyson Kidd, parce que pour moi il sera pas en... du match à la dernière minute, parce que bon, à part lui, des spots, il y a Christian, il y a Sin Cara, mais bon, je trouve que c'est le celui qui est le plus underdog, donc voilà. Après, je trouve que le match pré-show YouTube est un peu pourri, parce que Camacho, Nico, c'est pas une équipe très réputée non plus, ils ont pas fait beaucoup de matchs ensemble, et que R-Truth, on l'a pas vu ces derniers temps parce qu'il était blessé, donc je trouve que c'est pas super en match pré-show. Sébastien. Moi j'attends aussi le Money in the Bank de SmackDown avec, moi je l'espère, la couronnation, je sais pas si ça se dit en français ou pas, mais j'espère que Dolph Ziggler va... Le couronnement. Le couronnement, voilà. Donc j'attends le couronnement de Dolph Ziggler, ça fait un moment que je l'espère et j'espère que ça arrivera ce dimanche. Le Money in the Bank de Raw, moi je m'intéresse pas du tout. Parce qu'il n'y a que des anciens champions, et moi je trouve qu'à Money in the Bank, il faut donner la chance à des jeunes talents avec cette mallette. Donc je vois pas trop l'intérêt de ce match. Sheamus contre Dario, je pense qu'on s'en fout un petit peu. Et aussi le match qui m'intéresse également, ce serait Punk et Bryan, parce que l'interrogation avec AJ donne un suspense impressionnant pour ce match. Et donc j'attends avec impatience. MP. J'ai envie de dire, pour le Money in the Bank de SmackDown, et si jamais Tyson Kidd a remporté cette année? Ben justement, c'est pour ça que j'ai dit c'est le plus underdog, donc c'est possible, mais personnellement je vois plus Rhodes ou Ziggler l'emporter, parce que bon, déjà il y a deux champions, Sendo pour moi est trop débutant, et Tensai est trop assez vendeur. On se rappelle l'an dernier, Daniel Bryan, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui le voyait gagner. Hein. En tout cas, il a quand même bien surpris en un an. Il se retrouve maintenant dans le possible main event de Money in the Bank. Et moi, en tout cas, je pense que Dolph Ziggler ne gagnerait pas parce qu'il n'a pas besoin, justement. Il est déjà dans les title match, donc je verrais pas pourquoi il donnait le Money in the Bank. Et ben, Cody Rhodes, ça, je pense que c'est le favori pour ce Money in the Bank parce que je pense qu'il a perdu l'Intercontinental Championship et je pense qu'il est prêt à se diriger vers quelque chose de plus gros. Donc, le Money in the Bank, ça peut être quelque chose qui l'envoie justement vers le Main Event. Et je pense que c'est surtout l'objectif de ce Money in the Bank de SmackDown de pousser les jeunes. Et Cody Rhodes, je pense qu'il est le candidat parfait pour ça. Sinon, ben, le Main Event, ça m'intéresse aussi. Je crois que c'est le match qui m'intéresse le plus sur le show. Je pense que Punk va conserver. Après, c'est sûr que c'est possible que Bryan remporte pour Triple Threat à SummerSlam. Mais pour moi, je pense qu'il y a plus côté argent, la WWE a plus de trucs à faire avec un Punk champion. Comme Punk signale le rematch de l'année dernière, d'après moi, ça vend plus qu'un Triple Threat ou un Cena Bryan. En tout cas, c'est ce que je pense. Et ben, je pense que Punk va conserver pour, en tout cas, terminer la FUD ou peut-être avoir un triple threat après. Ça pourrait arriver selon les deux cas si Punk ou Parian gagne, mais en tout cas. Sinon, Money in the Bank de Raw, bah, je l'attends pas vraiment. Je sais pas c'est qui a eu l'idée de faire un Money in the Bank à 4, là, mais c'est un peu bizarre ça aussi. Peut-être des mecs rajoutés, mais moi j'y crois pas vraiment vu que on n'a pas parlé à Raw ou du tout, donc on a plus focusé sur une rivalité entre ces 4-là. Avec un résultat, je pense, très prévisible à Money in the Bank, en plus avec John Cena qui devrait normalement l'emporter. Donc voilà, c'est un peu ce qui m'intéresse et ce que je pense qui va arriver à Money in the Bank et à SummerSlam. Donc voilà, c'est un peu mes impressions là-dessus. Vers pas, pour finir. Oui, bah, concernant le Money in the Bank All-Star, il m'intéresse pas tellement, mais je continue de penser quand même qu'on va rajouter, si ce n'est pas Rey Mysterio, on peut ajouter par exemple quelqu'un comme Marc Henry qui peut revenir. D'ailleurs, on l'attend, puisqu'on attend trois retours d'ici peu. On attend Marc Henry, on attend Rey Mysterio et on attend le fameux Ted DiBiase. Hein, ça fait au moins trois épisodes de WrestleMania dont on n'a pas parlé de Ted DiBiase. Mais cette semaine, je me suis rappelé qu'il existait dans le roster, donc sur Wrestle, j'ai posé la question et non, il n'a pas disparu. Apparemment, il est en train de pêcher. Mais après il y a un gros problème, c'est qu'il faut que dans le lot de ce Money in the Bank, faut que tout le monde soit ait été déjà champion d'une des deux ceintures majeures. C'est un petit souci. Ben, c'est bon pour Marc Henry. Il a été champion World Heavyweight. Oui, mais pour Ted DiBiase, je veux dire. Ah non, ils ont Ted DiBiase, c'est pas possible. Il peut pas être dans le truc All-Star, mais en tout cas, c'est un retour qu'on attend et sûrement va. On attend tous avec impatience. Faut faire un peu de langue de bois par moment. Ouais. Mais NXT, oui, pourquoi pas. c'est surtout quand même le Money in the Bank de SmackDown qui est très intéressant. Notamment, je pense que ça va jouer contre deux personnes, Cody Rhodes et Dolph Ziggler. Je suis plutôt dans le camp des Ziggler parce que je trouve qu'il est vraiment en avance sur Cody Rhodes. Je pense que ça sera bon pour l'année prochaine. Il est encore un peu trop green, à mon avis. Alors que Ziggler est un peu plus devant. Bon, il a Vicky Guerrero, donc qui traîne toujours derrière. On se demande quand est-ce que il va la lâcher. On a vu quelques petites tentatives, mais c'est toujours pas fait. Donc, puis après, bon, les deux autres petits matchs. Bon, le Brian Punk, quand même, redonne un petit peu du crédit à la ceinture WWE. C'est plutôt une bonne chose. Et puis, d'ailleurs, on attend tous de la position d'AJ, évidemment. Et oui, petit aparté par rapport à ce que tu dis. Ça replace, par ailleurs, la ceinture de la WWE depuis X temps. Un main event, un pay-per-view. Ça, je sais plus de quoi ça date, mais peut-être même sur une série, c'est peut-être un peu à faire. Et surtout, ce que j'ai trouvé intéressant autour de cette storyline, c'est qu'on est quand même parti d'une story qui était quand même pas bas de gamme, mais pas loin pour une ceinture majeure. Finalement, on voit que ça dépasse même en temps d'antenne la story avec Laurie Natis et John Cena. D'ailleurs, John Cena, on lui a mis Money in the Bank, peut-être pour attendre, et surtout parce qu'il fallait donner du temps d'antenne à la storyline autour de AJ Punk et Bryan. Mais je pense que Cena peut gagner le Money in the Bank All-Star, celui que j'appelle All-Star avec tous les anciens champions. Et surtout, il n'était pas mauvais avec les échelles, donc contrairement à souvent ce qu'on peut dire, je pense que c'est un type de match qui peut lui plaire. Kane, on sait qu'il est balèze avec les dans le TLC, Donc après, la question, ça se pose peut-être pour les deux derniers. Bon, Chris Jericho, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de match de l'échelle. On ne sait pas trop dans quelle condition physique il sera par rapport à ces objets-là. Mais j'ai plutôt, je pense que John Cena va remporter la ceinture. Et surtout, je n'espère pas que The Rock va la remporter, comme Pesteris l'a souligné sur le forum. Si The Rock gagne la ceinture à moins d'un cash au millième épisode de Raw ou à SummerSlam, je n'y crois pas du tout. Oh, impossible. Déjà, nous, tu tournes le sixième film de Fast and Furious, donc bon, je vois pas. Et puis, ce serait pas très sympa de débarquer à chaque fois et de tout gagner. Ce serait incroyable et surréaliste, quoi. Ouais, voilà, c'est juste une rumeur un peu surréaliste, à mon avis, quoi. Oui, donc on va passer peut-être si on a le temps, je sais pas MP, on est à combien Ah, de en temps parlant de d'émission? surré. Oui, vas-y. 1h04. On a le temps de parler un petit peu FW après. Vas-y, Broussi. Oui, parce qu'en parlant de surréaliste, vous vous souvenez de pendant des mois quelqu'un qui a emmerdé un peu tout le monde avec ce bruit et puis et puis Cole qui disait est-ce que je peux un email du general manager est arrivé et tout. Ben, il était revenu lundi et puis en fait c'était Hans Wagel caché sous le ring. C'était Voilà. horrible, quoi. J'ai envie de dire, il nous a Autant. fait tellement chier à la fin que. Bon, voilà, c'est pas de que lui. J'arrive toujours pas à comprendre comment le public peut encore faire comment on appelle ça, un cheer en anglais, je crois, qui peut pousser à fond pour Merci. donner un match entre les deux et Michael Cole. Je sais pas d'où vient ce public, il y a vraiment personne qui a envie de voir un match entre les deux. Dans les derniers rounds, parce qu'on pourrait Je sais très bien pas, avoir un Cole les gens versus aiment bien. au pay-per-view. Non Parce qu'on n'a quand même plus, pas de bah, match il donne poubelle peut-être contre un les gros. script au public. Hein. On va nous sortir Je sais pas Leila si et t'as envie Jerry de Lawler voir contre Beth Cole Phoenix et se faire Michael me Cole. taper. Non mais je comprends pas. C'est inexplicable. D'ailleurs, selon Bon, beaucoup donc. d'avis, à l'image de ce segment, l'euro était mauvais. Donc, bon. Bah, je l'ai toujours pas regardé, point tiers. Alors que d'habitude, même quand c'est mauvais, je me force à regarder. Le premier segment est l'un des plus Sachant qu'on est pourris. jeudi quand même. Donc voilà, on va passer au tout dernier point de ce Summer Wrestle avec la SW qui est le centre de développement de la WWE. Si vous préférez, c'est la CFA. C'est là où on met tous les jeunes, tous les nouveaux arrivants, donc tous ceux qui sont reclassés. Et Jérôme Roden. Il y a pas mal de rumeurs en ce moment sur de nouvelles signatures. La WWE aurait quelques envies en termes de catcheurs recrutés. On parle de Pac, on parle de Sandel Rey, Par on parle de exemple. Sami Callihan, on parle de Johnny Gargano. À ce qui paraît, Pac aurait déjà signé. Petit, qu'est-ce que tu penses? Oh, j'attends de voir comment ça sera utilisé parce que y a déjà une arrivée qui est actée. Voilà, Doudou n'a pas communiqué, mais bon, tests médicaux sont passés en Russie et tout. La reine du catch, the Queen of Wrestling, Sarah Del Rey, donc qui rejoint la WWE, mais bon, dans quelles conditions ça? Gros mystère, parce qu'elle serait indiquée comme entraîneur des divas, mais elle a dépassé la trentaine, elle est quand même pas en carrière non plus, et bon, elle n'arrive pas non plus tout de suite. Elle participe à quand même plusieurs shows indépendants, hein, donc, mais. Ouais, je trouve assez curieux son arrivée parce que les divas sont à un niveau catastrophique. Layla est championne, mais bon, malgré que j'aime bien qu'elle soit pas mauvaise, attendant l'exposition les divas, elle n'a jamais été aussi drôle. Donc, dur, dur, dur. Hein, mais puis, je trouve dommage parce que bon, voilà, c'est quand même quelque chose de top, top niveau. Donc, après, concernant Pac, bah, aussi, je sais pas, les catcheurs hyper spectaculaires depuis pas mal de temps à WWE, ils ont vraiment les faveurs des pronostics. Et donc, il faut voir, hein, il a tout pour enthousiasmer les foules, mais bon, après, c'est toujours pareil, ça accroche. Et voilà, après, je sais pas, bah, pour lui, le mieux, ce serait que la WWE arrive à son projet d'une ceinture intermédiaire, voilà, pour un mec comme lui. Je voulais juste dire que un tournoi va débuter officiellement à partir d'aujourd'hui à NXT pour déterminer un nouveau champion. Donc qu'il y aura bien une ceinture à NXT. Pour que Bray Wyatt, il ait le titre, hein, de toute façon. Hein. C'est plutôt pour que le Seth Rollins, Steamboat, Dean Ambrose, peut-être, serait couronné, quoi. Kajitono, par exemple, aussi. Moi, j'ai envie de dire que... Je pense qu'il faut encore attendre, en fait, il est encore un petit peu trop, trop juste, la FCW, à mon avis, il arrivera plutôt cet hiver. En tout cas, tout ce recrutement-là sur la CNV pour préparer l'été, printemps, été 2013, c'est plutôt pas mal, parce qu'on ne les verra pas encore avant au moins une année. Cette tendance, quand même, qu'à WWE, plus que jamais, là, depuis, on va dire 2 ans, accélère fortement son opération recrutement des stars de l'Indie, quoi. Ça fait déjà 5-6 là qui recrutait depuis Brian, et un peu plus anciennement, depuis 2 ans, une accélération, un processus. Il y a John Gargano qui est champion de Dragon Gate et qui est aussi, paraît-il, proche d'arriver, donc il tire pas mal de têtes d'affiche de l'indépendant, mine de rien. On parle même de signature pour Gargano qui paraît-il aurait fait ses adieux lors d'un dernier show Dragon Gate US, si je ne me trompe pas. Donc, a priori, le Dragon Gate US, est un bon filon, quoi. Un WWE, parce qu'ils avaient déjà recruté un arbitre. Mais ils arrivent toujours. Ils ont quand même pris El Generico, là, qui catche régulièrement. Donc, bon, je m'inquiète pas, hein, ils trouvent toujours moyen de se renouveler. C'est moi, Del Sol, des mecs comme ça. Là, je parle de mecs, la WWE va les draguer dans la course obligatoire. Hein. Donc, sur ce, En parlant de juste Sarah Del Rey, elle va être obligée de changer de nom obligatoirement, puisque Sarah Del Rey, je ne pense pas que ça puisse passer avec la politique des noms made in FCW. Ça sera refusé. Ah oui, donc elle a aucun. Est-ce qu'elle va complètement changer? Johnny Gargano, encore à la rigueur, ça peut passer, mais le problème, c'est le prénom de Johnny. Il y en a déjà eu pas mal. On a vu comment il a pu changer de prénom, John Morrison. Avec Johnny Nitro, John Morrison, le problème, Gargano va devoir aussi changer de nom. Ouais, c'est normal, oui. Il y a que CM Punk qui a gardé son nom de l'Indie. Del Bryan, il s'en est à peu près bien sorti, même si c'est pas son nom avant, évidemment. Et tous les autres, ils ont tout changé. Non, c'est vrai, ouais. C'est un peu dommage, mais bon. Après, c'est le naming, on va dire, qui change. Donc, voilà, bon, on peut passer à la liste des partenaires de l'été. Jim, Coca, Pepsi, non, c'est pas ça. Non, c'est j'attends la livraison de Pepsi. C'est plutôt Vox Catch, les Cahiers Catch, les Fan Lutte. Qu'est-ce qu'on a encore? Bon, le podcast des trois bières. Catch Arena. Pas officiellement partenaire, on va dire. Donc, bon. C'est pour ça. Après, je sais plus trop. Désolé pour ce qu'on oublie. Voilà, je sais pas, MP, s'il y a. C'est les partenaires en tête. L'émission M-Catch aussi. Moi, je voulais simplement dire que on peut nous retrouver sur Twitter, Facebook, wrestle.fr, en bas du forum, dans la section Wrestle Radio. Vous allez trouver le sujet Summer Wrestle. Et voilà, aussi, on va revenir sur iTunes. Les derniers n'avaient pas été ajoutés. Et là, on a trouvé une solution pour tout ça. Donc, ça sera mis sur iTunes normalement. S'il n'y a pas de problème, ça devrait être là dans quelques jours. Le temps de monter tout ça et de l'uploader, bon, ça devrait être bien mis. On va probablement se retrouver la semaine prochaine pour Money in the Bank. Un résumé complet. Et voilà, ça peut être vraiment. Ça va être vraiment ça. On va peut-être pas se retrouver chaque semaine, mais ça devrait être quand même assez régulier pour que vous ayez votre dose de Summer Wrestle quand même assez souvent. Donc voilà. Et oui, désolé pour les petits problèmes de son. Il y en a certains qui ont un petit peu sombré. C'est les aléas de Skype. Donc ce sera mieux la prochaine fois. Donc. On parle avec une mallette à la mer. On va vous laisser avec un superbe thème musical pour terminer avec les Ramones pour terminer l'émission avec Blitzkrieg Bop, qui je crois que c'est une longue chanson qui est plus dure à dire, mais quand même, ça devrait être une pièce qui devrait être qui devrait bien terminer cette émission de Summer Wrestle. Allez, on se revoit dans un prochain numéro. Et oui, et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des idées de sujets sur, sur le Facebook de Wessels Radio. Et Radio voilà. @gmail.com aussi, si vous voulez envoyer par email. Et vivement les 100. Et oui, on attend les 100 j'aime sur la page, donc n'hésitez pas à nous aimer si ce n'est pas encore fait. Voilà, donc on passe à la musique. À ciao, à la semaine prochaine.